le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercient de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que l'année qui débute vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 Boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, au 418-679-1605. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Vous pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain ou pour vos forfaits motoneige? Chalet Nature Péribonka vous offre le confort total sur le bord de la rivière située à Péribonka, au nord du lac Saint-Jean, tout près du sentier fédéré. Chalet Nature Péribonka possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site Internet chaletnature.info ou contactez-nous au 418-218-1376. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonka souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et les invitent à la grande prudence pendant l'année qui débute. On va parler de motoneige. On sait que Tim Tremblay, ça fait quelques années, ça fait 2 ans qu'il ne compétitionne plus, mais il y en a un autre du coin, Francis Petit, qui est de la Dorée, qui compétitionne en motoneige snowcross. Question de savoir comment il se prépare à la prochaine année qui est à grands pas, on lui parle. Salut, bonjour Francis, ça va bien? Oui, ça va super bien. Tu t'en vas vers le Minnesota maintenant, donc ça va... C'est une autre année qui débute, j'imagine. Est-ce que c'est une préparation semblable comparativement à l'an passé ou encore on revient pas mal au même niveau qu'il y a 2-3 ans? Non, c'est une, semblable à la même préparation. Chaque année, on va là-bas, on teste un peu avant les premiers départs. Là. On teste les touches, on teste les chocs, on teste tout ce que mettre l'équipe sur un bon roulement et être prêt. OK. Est-ce qu'il y a des essais, comme à la course automobile, il y a souvent des essais avant la saison. Est-ce qu'il y a des essais qui se préparent dans ton cas? Ben, les essais, oui, plusieurs essais, mais tu sais, c'est jamais sur les pistes de course parce que les conditions changent tellement vite. Okay. Que les pistes de course, les essais, on les fait 10 minutes avant de courir. Là. On a des tests de 10 minutes, mettons, vers 2 heures l'après-midi, puis les premières qualifs sont à 6 heures le soir. Là, on a 10 minutes dans la journée pour essayer la piste. Okay, c'est okay. pas comme tu penses. Hein. OK. Dis-moi quel genre de saison tu t'attends. Tout au meilleur, pas de blessure, puis le reste, ça va venir. Est-ce que c'est des budgets semblables aux. Est-ce que c'est des budgets semblables aux autres aux autres écuries que tu possèdes? Ben, moi je possède aucun budget, dans le fond. Moi, je suis engagé par Bombardier Okay. puis ils me mettent dans l'équipe de leur choix. Okay. Je suis vraiment travailleur pour Bombardier. Oui, mais je veux c'est dire. Budget, c'est pour, ouais, mais comparé justement à Bombardier dans l'équipe que tu possèdes, est-ce que c'est semblable aux autres équipes? Oui, les budgets sont tous semblables. Là, Bombardier traite ses équipes pas mal tout égal, je te dirais. Mais je fais rien. OK. Donc l'objectif, c'est d'arriver dans les meilleurs cette année encore une fois. C'est qui ton plus gros compétiteur? J'ai aucun plus gros compétiteur. C'est ça qui est le fun dans le pro depuis 2-3 ans. Depuis que la règle avant, c'était des pro open, là, que toutes les équipes pouvaient modifier ce qu'ils doivent comme ils voulaient. À ce temps, c'est des stocks, c'est des machines stock. OK. Et ben, souvent, là, on sait jamais qui va gagner. Anyway, on est dans le top pour gagner aussi. Là. Okay. Le monde a autant peur de nous autres que je peux avoir peur des autres. Là. Donc, c'est pas grand peu. OK. Donc, c'est au Minnesota cette année, j'imagine, c'est ça? Il y avait au Wisconsin, il y en avait un peu partout aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Il y a pas ça dans le Midwest, là. Fait que c'est milieu puis l'Ouest, un peu des États-Unis. Okay. On va les plus proches du Québec, c'est aux alentours de New York. Okay. On va dans l'État de New York. Okay. Sinon, ça se passe pas mal tout Minnesota, Wisconsin, ça, Iowa, dans ce bout-là, South Dakota du Sud. Ça joue dans le milieu des États-Unis. OK, puis je pense aussi que c'est pas mal suivi aux États-Unis, hein? Oui. 4-5 000 personnes, ça arrive assez souvent, oui. OK. Ben, Francis, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bravo. Et on aura le plaisir de se parler tantôt. Bon, ben, je pensais. Francis Petit de la Dorée qui s'en va vers le Wisconsin. Où, et est-ce que Minnesota va participer à une compétition au championnat de snowcross cette année?